C'est aujourd'hui un carrefour où forçat de la route, 12 000 camions quotidiens se croisent aux abords d'un immense complexe logistique. C'était voici plus de 2000 ans, une vaste exploitation agricole, propriété d'un puissant aristocrate. Bienvenue en terre carnute, sur la fouille d'Artenay-Pourpris. Avant de retrouver en direct Dominique Garcia, le magazine d'archéologie de France Culture renoue aujourd'hui avec le terrain, l'archéologie en train de se faire au travers d'une visite de chantier archéologique. C'est donc au cœur du Loiret que Jean-Philippe Guay et toute son équipe de l'INRAP nous accueillent. Jean-Philippe Guay, vous fouillez à l'heure actuelle 8 hectares à Artenay. Oui, c'est ça. On est donc à Artenay, une trentaine de kilomètres au nord d'Orléans, au bord de l'autoroute A10 qui mène à Paris. C'est une zone en pleine expansion. Il y a énormément de trafic routier, beaucoup de camions qui passent ici. Donc beaucoup d'entrepôts viennent s'installer. Ça continue de se développer avec des nouveaux entrepôts et une zone logistique pour les camions. Et on passe un peu plus de 12 000 par jour, donc c'est important d'aménager tout ça. Donc on va les entendre. Vous, c'est 8 hectares de Gaulois. Alors c'est 8 hectares majoritairement de Gaulois, avec un petit peu de Romains encore après par-dessus, et un tout petit peu de Néolithique avant. Alors commençons par le Néolithique, qu'est-ce que vous avez en Néolithique? Alors pour le Néolithique, ça se limite à deux sépultures, qui sont tout à l'extrémité nord de notre emprise. Deux sépultures, dont l'une, la première qu'on a fouillée, avec un défunt qui était en position fœtale sur le côté droit, et qui tenait dans ses bras un bois de cerf perforé, qui était destiné à être suspendu. Et sous sa tête, on a trouvé une hache polie en silex qui était encore emmanchée dans le bois de serre. Et cette hache aussi était colorée à l'ocre. Ça, c'est tout à fait étonnant. C'est une herminette, normalement. C'est ça, c'est l'herminette. Donc, pour le bois, pas trop couper les arbres, mais plutôt tailler des objets, des objets de la vie quotidienne en bois. Les fameuses pirogues. Ce genre de sépulture, c'est assez fréquent dans ce département ? Non, c'est quelque chose de plutôt rare. En plus, les objets sont également rares. Retrouver la hache encore emmanchée sur le bois de serre, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, le cœur de votre métier, d'ailleurs, c'est la protohistoire. Hein. Vous êtes spécialiste de l'âge du fer. Et donc, quand débute à peu près la chronologie de ce site? Alors, elle doit débuter. Faut attendre, évidemment, toutes les analyses qui seront faites en post-fouille. Mais à l'extrême fin du 2e siècle avant. Et la majorité se déroule sur le 1er siècle avant notre ère. Et pour une partie du site, on a une continuité de l'occupation à l'époque antique, au moins jusqu'au 2e siècle après. Vous avez des bâtiments avec des tuiles. Ces tuiles, elles sont typiquement romaines. On ne peut pas les attribuer à l'époque gauloise? Les tuiles, oui, les tuiles sont romaines. Après, elles existent sur des époques plus anciennes, et plutôt dans le sud de la Gaule, où les cultures se rencontrent déjà depuis plus longtemps, en fait. Ici, on a vraiment une persistance des traditions gauloises. Il faut vraiment attendre la conquête romaine passée pour avoir ce mode de construction généralisé. Ce que vous faites, c'est une archéologie en creux. Tout est excavé, rien n'est en surface. Alors pour la protohistoire, non, rien n'est en surface. C'est vrai que pour l'antique, on a la chance parfois d'avoir les bâtiments encore en élévation. Nous, on n'a pas cette chance-là, puisque du coup, tout est construit en terre et bois, matériaux périssables, donc tout a disparu. Et il nous reste effectivement que les structures en creux, donc l'impact des poteaux qui soutenaient la maison, ou bien des silos pour stocker le grain, ou bien des caves, des celliers, des fossés. Et tout ça, par exemple, tous ces poteaux s'organisent et donnent de vastes maisons, des greniers. C'est ça, en fait, en fonction de l'implantation des poteaux, simplement en reliant les points, tout bêtement, on peut reconstituer le plan de la maison avec 4, 6, 8 poteaux, tout dépend. Des poteaux parfois de petite taille, parfois des très gros gabarits. On peut avoir des poteaux qui font jusqu'à 80 cm ou 1 mètre de diamètre. Alors l'élément structurant, le paysage, ce sont des fossés, et des fossés absolument gigantesques. Oui, c'est la spécificité de la fin de l'âge du fer, de ces exploitations rurales, c'est qu'on se place à l'intérieur d'un enclos, donc on creuse un énorme fossé, on fait une levée de terre à l'intérieur pour faire un talus. Donc ces fossés, ici à Artenay, ils font jusqu'à 8,20 m en largeur et 3,50 m presque en profondeur. C'est un travail gigantesque ? Oui, c'est un travail énorme. Alors c'est toujours difficile d'estimer combien de personnes ont pu faire ça, parce que déjà on ne sait pas combien de personnes vivaient sur le site. Est-ce que la main d'œuvre, ce sont que les gens qui travaillent ici ? Est-ce qu'on a des esclaves ? On peut faire de l'expérimentation et prendre une pioche et voir combien de temps on met à 5, 10 pour creuser un fossé comme ça. Mais les conditions ne sont pas non plus les mêmes, donc c'est difficile d'établir ce genre de choses. En tout cas, la réalisation de ces fossés, c'est une vraie volonté politique. Oui, c'est une volonté du propriétaire, en fait. C'est vraiment un moyen pour lui d'exprimer son statut social et sa puissance. Plus il sera riche, plus il le montrera en faisant des fossés profonds. Et l'architecture est conçue aussi pour impressionner. Quand vous arrivez dans l'entrée de l'enclos, il y a tout un système qui contraint la circulation des gens, qui les oblige à arriver d'une certaine façon et à voir les choses d'une certaine façon. Et ça permet de mettre en valeur la maison du propriétaire et donc encore une fois de montrer son statut social et son importance. Ces fossés, ils sont gigantesques. Ils étaient en cours de fouille. On a vu une très belle section, une coupe transversale de ce fossé qui raconte une histoire. D'un côté, son creusement, puis son comblement. Tout ça, vous arrivez à le reconstituer. C'est ça, en fait. Les coupes qu'on fait à l'intérieur, elles nous permettent de comprendre comment le fossé, toute sa vie, en fait, comment il a été creusé et puis comment il a été comblé. Donc là, on peut s'apercevoir que les premières phases de comblement sont naturelles, sont dues à l'érosion des parois par la pluie, le vent. On peut aussi mettre en évidence des traces de recurage, c'est-à-dire d'entretien du fossé, de reprise, d'élargissement. Et puis, on a une dernière phase de condamnation, où là, on voit bien que l'ensemble du talus est étalé à l'intérieur du fossé pour faire disparaître et le talus et le fossé. Et vous arrivez même à voir de quel côté est le talus. Oui, parce que du coup, on a la chance que le substrat soit du calcaire blanc, par-dessus lequel s'est déposé des limons bruns. Donc, du côté où est entassé le talus, ce qui descend, c'est blanc, puisque c'est le calcaire, et de l'autre côté, c'est du marron. Et pourquoi vouloir le reboucher ? Quel intérêt de reboucher un fossé ? Alors, on le rebouche soit parce qu'on condamne le site, on n'y va plus. Alors, soit on a déménagé, soit au contraire, on veut faire disparaître ça parce que ça correspond plus à un élément culturel de l'époque. Et si on veut restituer cet espace à l'agriculture à nouveau, c'est plutôt gênant d'avoir des trous et des bosses pour labourer les champs. Alors, en tout cas, donc, ces fossés structurent un espace intérieur. Et c'est à l'intérieur de ces fossés que vous fouillez. Oui, alors le fossé, plus effectivement tout ce qui est à l'intérieur, et aussi l'extérieur. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de l'extérieur pour voir si on a des aménagements. Ce qui nous manque souvent aussi, ce sont les nécropoles, qui se trouvent forcément à l'extérieur des enclos, mais probablement pas très loin. On est limité, bien sûr, sur les projets de travaux. Nous, on n'intervient que pour le sauvetage, donc ce qui va détruire les vestiges. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Donc, il nous manque ces nécropoles. Et à l'intérieur, on a tout ce qui fonctionne avec la vie du site, donc les bâtiments d'habitat, les structures de stockage, les bâtiments artisanaux, les étables, tout ce qui peut faire la vie du site. Et vous avez retrouvé même un cellier rempli d'objets ? Oui, on en a trouvé plusieurs, dont un qui a été détruit par un incendie. La chance qu'on a eue sur celui-ci, c'est que l'incendie a détruit toute la superstructure qui s'est écroulée dedans. Donc ça a permis de conserver en place les niveaux de circulation de l'époque, sur lesquels étaient posées notamment toute une série de vases qui étaient disposées dans le fond de la cave, et également une paire de chaussures. En fait, ça c'était vraiment les petits clins d'œil, donc les chaussures en cuir qui étaient tenues par des clous. Donc évidemment, le matériau périssable ont disparu, mais il nous restait l'empreinte des clous en fait, qui dessinaient les deux pieds de la chaussure. Vous aviez des amphores dedans ? Oui, il y avait des amphores et également d'autres vases de type jarre qui peuvent contenir plutôt du grain, des choses comme ça en fait. Alors que l'amphore contient du vin. Et ces amphores, elles viennent d'où ? Du monde romain ? Ces amphores, oui, elles viennent du monde romain. On a au moins une partie des amphores qui viennent d'Italie, et notamment de la région du Vésuve et de Naples, en fait. On les reconnaît bien, parce que les amphores campaniennes, voilà, cette région-là, elles ont dans leurs pattes des inclusions de terre volcanique, en fait, des petits grains noirs qui sont faciles à reconnaître. Comment se présentent les bâtiments ? Alors les bâtiments, donc la construction, c'est terre et bois, des gros poteaux en bois qui portent la charpente et la superstructure, et des parois en terre, torchis, et une couverture probablement en chaume, enfin, en matériaux périssables de ce type-là. Donc pour la construction, on plante les poteaux dans la terre, sur des sections de gros diamètre, en fait, ça nécessite de faire un premier trou dans lequel on vient installer le poteau qu'on cale. Et puis après, ces poteaux sont reliés entre eux par les charpentes et on construit les parois derrière. Donc nous, tout ce qu'on retrouve, c'est effectivement la trace du poteau dans le sol, toute la partie qui est creusée. S'il a été détruit par un incendie, on peut avoir la chance de retrouver un peu de bois ou la trace du poteau bien visible. Et puis, tous ces fragments de torchis, en fait, on en retrouve quand même souvent autour des maisons, soit dans les fosses, soit dans les poteaux eux-mêmes, ou même en rejet dans les fossés quand un bâtiment a été détruit et qu'on l'a supprimé pour pouvoir reconstruire. Vous avez retrouvé la maison du maître, que l'on peut imaginer un peu plus grande que les autres. Alors effectivement, on a des maisons qui sont plus grandes que d'autres. Sur la structure en elle-même, c'est difficile de se prononcer à ce moment-là, parce qu'on peut avoir aussi des grands bâtiments qui sont autre chose. Mais il faudra corréler ça avec les études après, qu'on fera des mobiliers qu'on trouve dans les fosses à proximité, dans les rejets, dans le fossé autour. C'est ça qui va vraiment nous permettre d'identifier les bâtiments de manière un peu plus sûre, parce que justement sur un bâtiment d'habitat aristocratique, on va trouver dans les rejets qui vont avec de la vaisselle plus fine, des ossements d'animaux qui ne seront pas les mêmes, qui seront des portions plus nobles des animaux, voire de la faune sauvage aussi, de la chasse, parce que la chasse est l'apanage de l'aristocratie. On peut retrouver notamment pas mal de cerfs ou du sanglier. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Alors parlons de l'entrée. Vous me disiez qu'elle était monumentale. On a le fossé, d'un seul coup ça s'arrête et on débouche sur un porche. Oui, on a une interruption du fossé qui permet de laisser un espace de circulation qui ici est pas très grand, qui est l'ordre de 2 mètres, quelque chose comme ça. Et juste en arrière de ce fossé, on a deux énormes poteaux qui permettent de monter un portique et de marquer l'entrée symboliquement. Qu'est-ce que vous avez dans les fossés ? On retrouve essentiellement de la céramique, de la faune. Pour les périodes proto-historiques, c'est très très important et on en trouve en grande quantité. Après, on trouve un petit peu de fer aussi. Ça peut être des objets de parure, comme des fibules par exemple. Ça peut être aussi quelques monnaies, des lames de couteau ou des rejets de forge, scories, etc. Et puis, à Artenay, on a eu la chance également de trouver deux fragments de statuaire. Vous avez aussi des chevaux, deux chevaux à l'entrée. Là aussi, on pourrait être sur l'ostentation. Oui, la question du cheval, c'est toujours très compliqué chez les Gaulois. En fait, c'est très variable. Certains le consomment, d'autres pas. On a du mal à définir une généralité sur le cheval. Mais on a des parties qui ont été coupées et rejetées. Ça peut être un geste aussi volontaire, un geste d'une croyance quelconque, des choses qui nous échappent. On n'a plus les moyens de les comprendre. Ça peut aussi faire partie de la décoration. On trouve souvent dans les fossés des crânes, notamment aux abords des entrées et des angles, des crânes tout seuls, dont on suppose, en fonction de la décomposition, la façon dont ils sont décomposés et tombés dans le fossé, qu'ils auraient pu être suspendus à des poteaux, à des piquets, et être exposés sur le talus devant le fossé à l'entrée. Oui, j'ai souvenir en Picardie d'une ferme comme ça, d'un établissement aristocratique, où il y avait donc des crânes humains dans les angles. Là, vos chevaux, ils sont aussi dans les angles. Ils sont pas tout à fait dans les angles, en fait. Ils sont à proximité de l'entrée et l'autre est dans une section de fossé latérale, en fait. Et on peut s'imaginer aussi des animaux sauvages. Oui, en décoration, oui, pourquoi pas, oui. Des sangliers, du chevreuil, du cerf, ça, c'est des choses qu'on trouve fréquemment. Pour vous, quel est le statut de cet aristocrate, puisqu'il s'agit d'un aristocrate ? Au vu de la taille des enclos, la surface, la taille des fossés, des talus, les types de bâtiments qu'on a à l'intérieur, la statuaire, effectivement, on peut penser que c'est un établissement de rang élevé. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire une énorme ferme avec une maison aristocratique, c'est ça ? En fait, le domaine rural avec le propriétaire, du coup, qui habite au cœur de ce domaine. Et quelle est la vocation agricole ? Qu'est-ce qu'on cultive ? On cultive du blé, de l'orge, essentiellement ça. J'ai cru comprendre qu'on faisait deux récoltes par an. Les Gaulois arrivent à faire deux récoltes par an. Ouais. Après, et l'agriculture, c'est vraiment quelque chose qui est très très développé chez les Gaulois. Ils ont notamment inventé un appareil qui ressemble à la moissonneuse, en fait. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, en fait, mais ça permet de moissonner. Après, il faudra attendre le 19e siècle pour que, à nouveau, on refasse une moissonneuse. C'est quand même une innovation importante. Et puis, on a les silos qui permettent de conserver des récoltes une année. Facilement, en les mettant à l'abri de l'air et en stoppant la germination. On a une idée de sa puissance, de son territoire ? Ce genre d'établissement, par exemple entre Orléans et Chartres, on en connaît à peu près tous les kilomètres. Donc ça donne à peu près la surface que peut exploiter cet établissement. Alors ce qui est très curieux, c'est que vous n'avez pas un établissement, vous avez deux établissements, deux enclos. Comment se fait-il ? C'est une des questions qu'on se pose effectivement sur le site d'Artenay, parce que vous disiez donc tous les kilomètres on en connaît, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer maintenant, mais d'habitude ils sont beaucoup plus espacés. Or là, on a deux énormes ensembles qui sont distants d'à peine 50 mètres l'un de l'autre, et qui, pour ce qu'on a, c'est toujours en cours de fouille, mais pour l'instant, ce qu'on a pu voir, sont au moins contemporains sur la deuxième partie du 1er siècle avant. Donc l'un aurait été occupé, et puis on aurait changé d'avis pour en reconstruire un autre ? C'est une des possibilités, on peut avoir un premier enclos, les orientations ne sont pas les mêmes, donc on peut supposer qu'on a un premier enclos et qu'après on en fait un deuxième, le second possède une ouverture sur la voie romaine entre Orléans et Chartres, donc on pourrait supposer qu'au moment où cette voie est créée, ça devient un axe important et qu'on a besoin plutôt de s'ouvrir sur cet axe-là et qu'on fait un deuxième enclos et qu'on fait disparaître le premier à ce moment-là. On peut aussi imaginer qu'il continue d'être contemporain, mais qu'à l'intérieur, on n'y fait pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a un où on aurait l'habitat et éventuellement l'artisanat et l'agriculture qui va avec. Et dans un autre où on pourrait se dérouler d'autres choses. C'est difficile à prouver, mais on pourrait penser que, par exemple, on peut avoir une partie cultuelle dans l'autre enclos avec des cérémonies où on viendra plus de manière plus épisodique et qui laisseront moins de traces. On est chez qui, d'ailleurs ? Chez quel Gaulois ? On est chez les Carnutes, toujours, ici, entre Orléans et Chartres, c'est les Carnutes. En allant vers l'est, on s'approche du territoire des Sénons, qui n'est pas très très loin. Et voilà, on n'est pas à la frontière, mais on s'approche de la frontière sénone. Donc c'est un peuple puissant. Les Carnutes, oui, c'est un des plus puissants peuples de la Gaule, avec les Éduins, les Arvernes. C'est César, on en a parlé dans la guerre des Gaules abondamment. C'est dans les premiers peuples à se révolter aussi à Orléans. On connaît aussi la fameuse forêt des Carnutes où se tiendrait l'assemblée des druides, mais oui, c'était un peuple très très puissant sur la Gaule. Je reviens à ces deux établissements. Ils sont contemporains. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'un ? Qu'est-ce que vous n'auriez pas trouvé dans l'autre ? Ce qu'on trouve dans le premier qu'on a fouillé, c'est la continuité de l'occupation jusque dans l'Antiquité, jusqu'au deuxième siècle après. Alors que le second a l'air de ne plus être occupé autour du changement d'ère à peu près. Et le romain vient là-dedans, d'un seul coup, on voit un changement d'architecture ? Non, c'est quelque chose qui se fait très progressivement, en fait. Les cultures se mêlent petit à petit et on prend des habitudes. Voilà, les Gaulois, on découvre des nouvelles pratiques, des nouvelles habitudes avec la cohabitation avec les Romains. Donc ils adoptent certaines choses. Pour certaines autres, ils continuent de garder leur culture. Donc on va voir, c'est d'abord plus de la vaisselle ou des fibules, des choses comme ça qui vont apparaître. Et puis, petit à petit, effectivement, on va avoir l'architecture qui va se modifier avec l'apparition de la pierre et de la tuile à la place du bois et de la terre, pour une partie seulement, mais on continue aussi de construire en terre et en bois. Quelle est la culture matérielle de cette époque ? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme objet ? Les objets du quotidien, des objets donc liés à l'agriculture, liés à l'élevage ? Pour ce qui est de l'agriculture et de l'élevage, oui, on trouve des outils agricoles. On peut trouver des lames de faucilles, des choses comme ça. On trouve tout ce qui est trait à la découpe, par exemple, des couperets, des couteaux, des ciseaux aussi, des forces pour la tonte des moutons. Toute la partie artisanat qui va avec, donc avec les pesons, les fusaïoles, les meules aussi pour écraser le grain. Après, on a les objets de la vie quotidienne, donc des objets de parure, comme les fibules, des épingles aussi, pour les épingles en os, par exemple, pour les cheveux, pour les femmes. On peut avoir, y a des monnaies, évidemment, qu'on trouve aussi un petit peu. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Toute la céramique, bien sûr, qui fait partie du quotidien, qui est très différenciée selon ce qu'on veut en faire et selon le niveau social aussi. On a des céramiques d'importation, des choses qui peuvent venir de loin parfois qu'on trouve dans la maison du maître on trouvera de la céramique beaucoup plus simple dans les petits bâtiments d'exploitation. Alors bien sûr, on pense à la céramique romaine, mais vous avez aussi de la céramique gauloise qui vient de loin. On a de la céramique gauloise, oui. On a des importations qui viennent pas mal du centre de la France, de l'Allier. On a beaucoup de choses avec une pâte locale, une pâte qu'on trouve dans le Val-de-Loire, en fait. Donc là, on connaît pas forcément les ateliers. On sait que voilà, c'est de la production locale. Après, vous avez les amphores qui viennent, alors là, pour le coup, plus d'Italie, sur cette période-là. Et puis, on a des choses qui viennent plus du territoire du nord, bassin parisien. Alors, vous avez deux objets exceptionnels. Le premier, c'est une toute petite tête représentant un Gaulois. Oui, une toute petite tête en céramique. Ça, c'est une des particularités aussi d'Artenay, d'avoir un morceau de statuaire en céramique. C'est le seul que je connaisse, j'en ai pas vu d'autres encore. Avec un type typiquement celtique, un personnage avec des caractéristiques physiques marquées, donc une barbe importante, des yeux très marqués, ainsi qu'une bouche et des oreilles très proéminents. C'est un style qu'on retrouve sur des statuaires en pierre, notamment en Bretagne, sur le site de Trémuson, qui a été fouillé il n'y a pas très longtemps, où on a trouvé exactement des sculptures qui ressemblent beaucoup à ça. Et celle-ci, elle est en céramique, ça c'est une particularité d'Artenay. Donc on est sur quelque chose de tradition gauloise ? Oui, c'est un style tout à fait de tradition gauloise, même si l'objet a été trouvé dans un contexte qui est plutôt gallo-romain, mais le style est tout à fait gaulois. Et le deuxième élément, c'est de la statuaire en pierre. Oui, le deuxième élément, c'est un fragment de statuaire en calcaire qui a été retrouvé dans le fossé d'enclos, en rejet. C'est une partie de la statue, on n'a que le tronc, il nous manque la tête et le bas du corps. On peut voir sur l'avant du personnage, en fait, ses deux mains croisées l'une sur la poitrine, l'une devant l'autre. Il porte un brassard également sur son bras. Et au dos, sur son dos, sont représentés deux animaux affrontés. La statue, le fragment est un petit peu usé, c'est difficile de voir, mais on arrive à voir quelques caractéristiques sur les animaux, notamment au niveau des sabots. On voit que les sabots sont fendus, qu'il y a des petits ergots derrière les pattes, ce qui laisse penser qu'en fait on est plutôt soit sur des cerfs, soit sur des chèvres plutôt que des chevaux. Oui, moi j'y avais vu des chevaux au début du mois. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit au début, notamment avec la queue qui était assez développée, alors que sur les cerfs elle est plutôt ramassée. Mais ces détails en fait sur une sculpture qui est un peu mal conservée, mais où on voit vraiment ces détails, ça veut dire qu'on a pris soin de les faire figurer. Et si on prend soin de les faire figurer, c'est qu'on veut qu'on reconnaisse l'animal. Alors le cerf, c'est un animal extrêmement important, avec le sanglier notamment, hein, dans l'art celtique. Des cerfs, on en voit, il y en a en bronze et autres. Oui, on en voit, et puis on en trouve aussi beaucoup dans... Alors ici moins, le site qu'on a fouillé il y a deux ans, en 2018, à Main-sur-Loire, on avait une quantité phénoménale de cerfs, en fait, beaucoup de bois et beaucoup de pattes de cerfs, qui démontraient qu'il y avait une aristocratie aussi importante et qui chassait abondamment. Alors, cette statuaire, elle est réellement celtique ou elle pourrait être déjà gallo-romaine ? Alors, le style est celtique, ça c'est sûr. Cette façon de sculpter, c'est ce qu'on retrouve chez les Gaulois. Alors là, à Trémuson, on trouve aussi, pour l'autre personnage, avec les mains très allongées, le pouce sortant, les doigts très longs, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans le sud de l'Allemagne, mais à des périodes plus anciennes, à la fin du Hallstatt. Mais voilà, c'est vraiment un type celtique. On retrouve souvent ces morceaux dans des contextes gallo-romains, de manière surprenante. Peut-être que ça veut dire qu'elles sont conservées ou la tradition perdure. Peut-être que ça vient avec les statues romains. Les Romains ne font pas disparaître les dieux sur les territoires conquis. En fait, souvent, ils sont assimilés à des dieux à eux. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait les deux. Alors, on peut s'imaginer, là, nous n'avons que le torse. Hein. Il manque le bas, il manque la tête. On peut imaginer même qu'il ait un torque, ce fameux collier rigide que l'on retrouve en général sur la quarantaine de sculptures de ce type-là qui ont été trouvées en France. En tout cas, il a été réellement brisé, jeté. Est-ce que l'on pourrait être sur un acte iconoclaste ? C'est possible. On fera faire une étude sur le bloc qui nous montrera, je pense aussi, il y a des traces d'impact, d'outils. C'est vrai que là, au stade de la fouille, c'est difficile de l'affirmer, mais ce qui est sûr, c'est que on a fouillé 8 hectares et on a retrouvé que ce morceau-là de la statue. Donc on pourrait penser que si elle était tombée et qu'elle s'était cassée en tombant, si on en achetait un morceau, on aurait pu jeter les autres morceaux au même endroit. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc peut-être qu'on peut avoir vraiment un geste, une volonté de détruire cette image, oui. Dominique Garcia, vous êtes professeur des universités, président de l'INRAP. Merci d'être en ligne et en direct dans le magazine d'archéologie de France Culture. Que pensez-vous de ce site d'Artenay ? Alors le site que vient de fouiller Jean-Philippe Guay et son équipe permet de documenter un ensemble gaulois original, à mon sens, un complexe agro-pastoral, mais également un lieu de résidence d'un aristocrate gaulois. Donc ça reflète assez bien le mode d'appropriation et d'exploitation du terroir par la noblesse gauloise à la fin de l'âge du fer dans l'ouest et le centre de la France. On peut envisager que ce genre de résidence aristocratique maillait l'ensemble de la Gaule ? Alors, les formes d'exploitation pouvaient varier selon les régions. Là, on a un ensemble, me semble-t-il, assez cohérent avec ce que l'on retrouve dans certaines parties de la Normandie, en Bretagne et dans cette région centre, plus que ce que nous avons dans le nord ou dans l'est de la France. Alors, Jean-Philippe Guay nous disait que ce genre de site, il y en avait un tous les kilomètres. C'est énorme. Alors, c'est des grandes fermes, en fin de compte. César est intéressé pour conquérir cet espace, c'est bien parce que c'est un lieu de production. Donc, on sait que les richesses agricoles de la Gaule étaient importantes, notamment de ces régions. D'ailleurs, elles sont restées aujourd'hui des grandes régions agricoles. Et donc, on avait là une densité d'occupation et une appropriation par la noblesse gauloise de ces terroirs riches. Dominique Garcia, la découverte de statuaire est probablement l'élément le plus étonnant de ce chantier, quelque chose de vraiment rare. Alors la statuette d'Artenay est intéressante, elle vient enrichir un corpus somme toute assez réduit, une trentaine d'exemplaires, on pense, et cela a été cité à Trémuson, à Paul en Bretagne, Amboise, Argentomagus, dans l'Indre. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un contexte, donc ces statuettes parfois étaient interprétées comme des statues de dieux. Là, on est la découverte de la statuette dans une ferme, dans une résidence aristocratique, va plutôt dans le sens de la figuration d'un héros, d'un ancêtre, donc une légitimation par la famille d'une occupation de l'espace. Les Gaulois ne représentaient jamais leur dieu ? Alors, on dit effectivement que les Gaulois ne représentaient pas leur dieu, même si à la fin de la période, il y a une volonté de représenter des héros, et donc on a quelques figurations de personnages héroïsés, proches en fin de compte de ce qu'on a dans le monde méditerranéen. Et puis, il n'est pas inintéressant de voir aussi la pérennité de ce domaine, qui passe du monde celtique au monde romain, absolument sans encombre. Alors, la conquête par César, c'est la mise sous le joug de centres politiques et de centres religieux. En revanche, il avait aucun intérêt à rayer de la carte les lieux de production. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, cette ferme et cette famille aient survécu à la guerre des Gaules parce que c'était un lieu d'exploitation et un lieu de production qui intéressait en premier lieu Rome. Et on peut dire donc que les aristocrates sont bien tirés donc sur ce site d'Artenay. Dominique Garcia, merci beaucoup. Je rappelle que vous venez aussi de publier un livre chez CNRS Éditions, Les Gaulois à l'œil nu. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Frédérix, et bien entendu avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Retrouvez Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons une histoire universelle des ruines. Dernière émission avant de céder la place à la grille d'été et de vous retrouver dès le début du mois de septembre.